Itikrou, Kamer, Etir, Reos, Carlito, Carlito, Bad Lieutenant, Bad Nair, Mike Maul, Dread Smoke, Captain Fraca, Eraka Target, Renko, Soon Boy, Oda, télétransporté pour représenter les soldats sur la